me pique les yeux. Trop de gens que j'aime habitent les cieux. Laissez-moi, je navigue mes yeux. Ça roule des gros pets dans le vaisseau. Fais pas la vie si toi t'es ceux qui me critiquent, qui me jalouse, qui me rabaisse. Je connais le vice et la tête, les boîtes d'alcool et les grosses fesses. Je fume le shit, je prends pas la cesse. Grosse équipe dans les HS. Voiture pleine de mine, je la prends en chasse. On est bleu, on va finir HS. Les hommes passent, tu doutes, mais comment faire ta vie? Nos souvenirs. Je pourrais te faire des folies. En plus je suis sous Jack Mir. Y'a que mon équipe.